Bien, bonjour à tous. Merci à Olivier, le programme Maison, d'avoir accepté l'invitation, d'être venu pour échanger avec nous dans le cadre de ce séminaire sur l'islamophobie. On est, je vous le rappelle, rentré dans la deuxième phase au niveau thématique, après la question de la construction des représentations européennes de l'islam et des musulmans. On est rentré dans cette phase qui traite de l'islamophobie et des discours scientifiques ou pseudo-savants. Voilà. Donc, on accueille aujourd'hui Olivier Legrand-Maison, qui est historien de formation et qui travaille sur deux grandes thématiques. J'en ai repéré deux grandes. Tout d'abord, la question de la citoyenneté pendant la Révolution française, qui a donné lieu en 92 à un ouvrage qui s'intitule « Les citoyens en révolution, 1789-1794 », et la principale thématique que vous abordez depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui est la question de l'histoire coloniale et ses prolongements. Vous êtes enseignant en histoire, sciences politiques à Évry, et vous avez, je ne sais pas si vous animez encore des séminaires au Collège international de philosophie. Non, c'est fini. J'ai bien fait de poser la question. Donc, votre intervention d'aujourd'hui va porter sur le lien entre immigration et islam, représentation et stigmatisation, pour la période 1920-1950 en France. À vous la parole, vous avez une heure, donc vous avez le temps. On vous écoute. Merci. Une précision, je ne suis pas historien, non pas je récuse le titre académique, il n'y a rien d'infamant, mais il se trouve que je ne suis pas historien. Alors la difficulté à me situer est sans doute liée au fait que depuis un certain temps, je pratique ce que Foucault pratiquait infiniment mieux que moi, évidemment, à savoir des approches dédisciplinarisées. Et donc mes ouvrages sont à la fois des ouvrages qui mobilisent évidemment des événements historiques, mais j'ai la faiblesse de croire que pour la colonisation, comme pour beaucoup d'autres objets, ces objets ne sont pas, parce qu'ils appartiennent au passé, ils ne sont pas exclusivement du ressort de l'histoire. Et qu'il me semble que pour appréhender l'histoire coloniale dans toute sa complexité, il est évidemment nécessaire de faire de l'histoire, c'est nécessaire mais à mes yeux insuffisant, dans la mesure où il faut faire aussi autre chose. Et il faut s'intéresser aux représentations, il faut s'intéresser au droit, il faut s'intéresser à l'histoire du droit, il faut s'intéresser aux filiations et un certain nombre de généalogies juridiques qui permettent de comprendre comment des dispositifs encore aujourd'hui en vigueur ont des origines coloniales. Il faut casser justement un certain nombre de frontières disciplinaires qui, me semble-t-il, se sont considérablement renforcées, notamment entre l'histoire métropolitaine et l'histoire coloniale, entre l'histoire sociale et l'histoire coloniale, pour montrer qu'il y a des liens extrêmement forts entre l'histoire coloniale et l'histoire sociale. Bref. Donc je suis un peu historien, un peu philosophe, un peu juriste, ce qui m'expose à pas mal de critiques au motif que, étant un peu tout cela, je ne suis rien de tout cela. Enfin bon, ça, c'est pas très grave. Sur le sujet relatif à la question de l'immigration, qui d'ailleurs suppose là aussi de s'affranchir à la fois de certains cadres chronologiques et de certains cadres disciplinaires. Les cadres disciplinaires, c'est ne pas séparer l'histoire de la métropole, ou en tout cas certains aspects de l'histoire de la métropole, de l'histoire coloniale, s'affranchir d'un certain nombre de cadres chronologiques, c'est-à-dire ne pas s'en tenir uniquement parfois à des chronologies relativement courtes, trop courtes, qui empêchent éventuellement de voir comment prospère, sous des formes diverses et pour des raisons qui ne sont pas forcément faciles à élucider, j'y reviendrai, des représentations qui, en général et en particulier, débouchent également sur des pratiques. Alors, sur la question de l'islamophobie, je voudrais tout d'abord faire quelques remarques préalables sur, disons, le terme et le concept. Et ensuite, quelques remarques préalables sur ma propre présentation, dans la mesure où c'est une présentation qui s'inscrit dans un travail qui est déjà engagé depuis un certain temps, où j'ai évidemment croisé des représentations relatives à l'islam, d'en coloniser, exterminer sur la guerre et l'état colonial, évidemment, Et dans un ouvrage que j'ai publié plus récemment qui s'appelle donc La République impériale, politique et racisme d'État. Et donc dire simplement ceci que c'est un travail en cours qui n'est pas achevé, donc qui est forcément de ce point de vue-là imparfait, et quand bien même d'ailleurs serait-il achevé, il resterait évidemment imparfait. Alors, sur la question de l'islamophobie, en espérant évidemment que tout cela n'a pas été dit, si c'est le cas, je passe mon chemin et vous m'arrêtez immédiatement. Je reviendrai sur la situation qui est la nôtre actuellement, d'un point de vue immédiatement conjoncturel, mais qu'au fond, pour en donner une définition générale, on pourrait considérer que l'islamophobie relève donc de l'imputation à l'islam et à ceux qui musulmans par conséquent, quelle que soit par ailleurs leur nationalité, ce qui me paraît là évidemment très important, y compris d'ailleurs du point de vue des effets politiques, d'un certain nombre de caractéristiques qui vont faire de l'ensemble, c'est-à-dire la religion et les musulmans, et l'islam, au fond une religion réputée inférieure et dangereuse, et inférieure parce que dangereuse. Et éventuellement l'inverse est également vrai, au motif que l'islam, alors là on va voir que le motif, c'est, dans tous les sens du terme là, est relativement ancien, au motif que l'islam serait incompatible avec le progrès des sciences, des techniques, de la raison, de l'émancipation féminine et par voie de conséquence incompatible avec des principes démocratiques. Alors il me semble qu'il faut évidemment distinguer cela des caricatures, qu'elles soient écrites ou qu'elles apparaissent sous la forme de dessins et qui s'assument comme caricatures, c'est-à-dire et par définition même de la caricature, qui repose sur l'accentuation volontaire, parfaitement consciente, du caricaturiste et de celles et ceux qui prennent connaissance des dessins, d'un trait, mais où personne n'est dupe, qu'il s'agit bien d'une caricature. Autre chose, évidemment, le jugement politico-esthétique qu'on peut avoir sur la chose, mais qui me semble relever là d'un autre phénomène et emporter d'autres considérations. Bref, relativement à l'islamophobie, je donnerai là des exemples concrets, mais elle me semble reposer sur un mode opératoire et sur une série de coups de force rhétoriques qui sont en fait communs au fond à tous les discours racistes, sexistes, homophobes, négrophobes, arabophobes, antisémites, et même si évidemment l'islamophobie présente un certain nombre de particularités. Alors, mode opératoire et coup de force rhétorique, évidemment l'opération classique qui consiste tout d'abord à prendre la partie pour le tout, qui est au béaba, si je puis dire, au fondement essentiel et élémentaire des discours phobiques, quel que soit le groupe visé. Et on va le voir, ça fonctionne, évidemment, ça peut se nourrir aisément de l'actualité, prendre la partie pour le tout des islamistes radicaux, par exemple, pour l'ensemble de l'islam. De même que des caractéristiques supposées des Noirs, des Juifs, des femmes sont réputées valoir pour l'ensemble des groupes Noirs, femmes, Juifs, etc., etc. Et pour dire autrement, il me semble qu'il y a au fondement donc de cette opération une universalisation sauvage donc de singularités qui sont en plus de cela, en général et en particulier, essentialisées ou naturalisées. Et le signe, mais qui est un signe, l'engagé de cette opération se condense la plupart du temps dans le vocabulaire employé lorsque surgit le terme « le musulman, le noir, l'arabe, le juif, la femme, le jeune des banlieues », dont la fonction du terme, évidemment, est bien, sous couvert de qualifications et de désignations prétendument objectives, de stigmatiser en faisant croire qu'il existe bien une sorte d'ensemble, une sorte d'essence, pardon, de ces différentes catégories. Le second type d'opération, qui conduit là encore à l'essentialisation, et une sorte d'universalisation là aussi sauvage, consiste au fond à déshistoriciser l'histoire de l'islam, ou encore à faire de l'islam au fond une religion sans histoire. Ou encore sans autre histoire du moins que celle des guerres, des conflits et des obstacles que l'islam est réputé avoir constamment opposés aux progrès divers et variés. Et là encore, une conjoncture particulière à un moment donné dans un pays donné est donc, encore une fois, universalisée, ce qui permet donc, là aussi et là encore, de parler de l'islam au singulier en confondant, encore une fois, la partie et le tout et en négligeant l'extrême diversité des courants qui se revendiquent d'eux. Alors, toute opération qu'on va retrouver dans les différents exemples que je vais citer dans un instant, et qui relève là j'y reviendrai, d'une islamophobie savante. Et évidemment, l'adjectif est très important parce qu'il annule, bien sûr, le nom auquel il se rapporte. Je veux dire par là que dès lors que, évidemment, cela est pensé comme savant, le discours tenu n'est plus pensé comme islamophobe, mais qu'en relevant, évidemment, pour celui qui tient le stylo, celui qui tient le discours, ça peut être parfois les deux, j'y reviendrai en donnant un exemple célèbre, relève évidemment non pas de la stigmatisation, mais relève du constat et de l'analyse historique, sociologique, éventuellement philosophique. Alors, une islamophobie savante qui a des origines relativement lointaines, que l'on retrouve notamment au cours de l'histoire coloniale française, en précisant immédiatement pour moi que ce détour par l'histoire coloniale, entre autres, ne vaut pas, n'est pas conçu comme une sorte d'analyse des causes de l'islamophobie contemporaine, mais pour reprendre un concept emprunté à Naret, bien plutôt comme une recherche des origines de, ce qui n'est pas synonyme. Je ne prétends pas du tout que ces discours islamophobes savants qui étaient dominants, j'y reviendrai, sous la Troisième et une partie de la Quatrième République, dans l'institution universitaire et dans l'académie, comme on dit aujourd'hui, comme on disait autrefois, sont la cause des discours islamophobes contemporains. Mais qu'à l'évidence, il y a là des origines. Alors après, il faudrait voir les filiations. J'essaierai d'en relever quelques-unes et de relever également à la fois des filiations et des ruptures, parce que je crois qu'il faut penser les deux en même temps pour comprendre comment justement prospèrent des discours qui nous paraissent relever de la scientificisation du sens commun, pour le dire comme ça, mais qui n'étaient pas perçus ainsi par ceux qui les tenaient, par les contemporains qui recevaient ces discours. Alors, relativement à la situation qui est la nôtre, on se trouve là, et avant de partir du côté de l'histoire coloniale, dans une situation qui présente à la fois des analogies et des différences très fortes. Les analogies sont patentes, évidemment, du point de vue des discours tenus. Les différences sont liées, me semble-t-il, entre autres, à ceci, que, même si la chose est relativement nouvelle, nous sommes effectivement confrontés au retour d'une islamophobie de type élitaire, c'est-à-dire tenue par des élites politiques, éventuellement administratives, policières, gendarmesques et je ne sais quoi encore. Mais à la différence de ce qui pouvait exister sous la Troisième et la Quatrième République, cette islamophobie élitaire peut, pour le moment en tout cas, difficilement s'appuyer sur une islamophobie de type savante. Ce qui sont des choses différentes. On peut très bien avoir affaire à une islamophobie de type élitaire, c'est-à-dire tenue par une partie des élites politiques administratives de ce pays, sans que cette islamophobie soit savante. Pour y donner un exemple concret, il est quand même difficile d'analyser les discours tenus par Nadine Morano comme relevant d'une islamophobie savante. Ça serait beaucoup lui accorder. Que ça soit une islamophobie élitaire et politique, assurément, savante, évidemment non. Donc les deux ne sont pas forcément liés, mais en même temps, sous la Troisième et la Quatrième République, les deux étaient liés dans la mesure où l'islamophobie élitaire s'appuyait d'une islamophobie savante. Pour le moment, cette islamophobie savante, elle est encore, jusqu'à quand je n'en sais rien, elle est extrêmement marginale et dans l'institution, encore qu'un certain nombre de signes montrent, significatifs en l'occurrence, montrent que les choses évoluent. Alors elles évoluent pas de façon absolument spectaculaire, mais quand même, de cela j'imagine que vous êtes évidemment au courant. Je pense, là aussi, si tout cela est connu, je passe très vite, mais je pense évidemment à l'ouvrage de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel et racines grecques de l'Europe chrétienne, dont il faut quand même rappeler qu'il n'a pas été publié dans une petite maison d'édition Cil l'Armatan, mais qu'il a été publié dans la très grande et très prestigieuse maison d'édition Le Seuil, et dans la non moins très grande et très prestigieuse collection L'Univers historique. Bon, ce n'est pas exactement la même chose. Et par ailleurs, cet ouvrage a fait l'objet d'une recension, par des journalistes écrivant dans des grands quotidiens du soir, notamment Le Monde, pour ne pas le citer, extrêmement élogieuse, et pour ne pas le citer non plus, élogieuse sous la plume de Roger Paul Droit, qui, en ces matières, visiblement fait de son inculture crasse vertu. D'ailleurs, on va avoir une séance qui sera consacrée à cette affaire. Ah, d'accord. Donc j'imagine avec Alain de Libera, un autre auteur d'accord. Qui a donné lieu à une réponse extrêmement argumentée, très précise et tout à fait passionnante Le problème, c'est que, évidemment, elle n'a pas reçu le même, la même couverture médiatique, dans la mesure où, évidemment, il était difficile pour Roger Paul Roy, alors même que les auteurs du livre lui ont demandé de passer un rectificatif dans Le Monde, la chose a été refusée. Donc, évidemment, je ne m'étends pas là-dessus. L'ouvrage est absolument passionnant d'Alain Delibera, entre autres. Les Grecs, les Arabes et nous, ou globalement, le livre de Guggenheim est haché menu et au terme duquel il n'en reste rien sur le plan académique et scientifique. Il n'en reste pas moins que ce livre, au-delà de son ineptie académique et scientifique, étant donné la façon dont il a été, la maison d'édition dans laquelle il a été publié, et donc l'aura académique que cette institution lui a conférée, redoublé par l'article élogieux de Paul Roy, peut néanmoins être quand même interprété comme un signe que, de ce point de vue-là, les choses évoluent, et de mon point de vue, évidemment, évoluent négativement, dans la mesure où la thèse, mais je ne m'étends pas plus, défendue par Guggenheim, est en fait présentée comme radicalement nouvelle et d'une banalité, si je puis dire, à périr, et sous sa forme la plus... plus ramassé, qui consiste à soutenir la thèse selon laquelle l'Europe, ou l'Occident, comme il parlerait sans doute, ne doit strictement rien à l'islam en général, à la médecine, à la philosophie, à l'astronomie, aux mathématiques, et que sais-je encore, mais que, évidemment, nous sommes en filiation directe avec la solaire et prestigieuse Athènes. Ce qui est une nouveauté fracassante. Alors, ce sont des éléments qui me paraissent, là, relativement nouveaux, mais qui, en même temps, soulignent un certain nombre de différences par rapport à la situation antérieure, sous la quatrième, la troisième, et éventuellement, on pourrait remonter bien au-delà, dans la mesure où, et sans croire que tout cela peut s'inscrire dans une sorte de généalogie complète et je dirais presque mécaniste, repérer assez facilement et en remontant parfois plus loin que la Troisième et la Quatrième République des textes qui peuvent être considérés comme relevant de l'islamophobie savante, pour ne pas dire philosophique. Si je cite celui-là, c'est parce qu'il est souvent mobilisé par un certain nombre de philosophes, de sociologues et d'historiens de la Troisième République. C'est un passage de Montesquieu dans l'Esprit des lois, où Montesquieu, réfléchissant sur la variable, pour le dire en ces termes, religieuse, dans les rapports entre cette variable religieuse et les formes de gouvernement, et plus exactement entre la variable religieuse et les types de gouvernement, écrit cette chose, que le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne et le gouvernement despotique à la mahométane. Toute thématique qui va être assez considérablement enrichie, c'est Esprit des lois, tome 2, livre 24, chapitre 3, page 141-142, pour ceux qui voudraient trouver les références. Tout discours qui va être repris, déployé, argumenté, notamment au début de la Troisième République, et constitutif, de même qu'il y a un racisme républicain, constitutif donc aussi d'une islamophobie savante et républicaine. Sans doute faudrait-il d'ailleurs réfléchir plus avant sur les rapports entre le premier terme et le dernier, c'est-à-dire et la République, c'est-à-dire en quoi non seulement la référence républicaine n'est pas un préservatif, pour le dire ainsi, contre des écrits, des pratiques islamophobe, mais au mieux, pire ou plus grave encore, en quoi la République et la défense d'un certain nombre de principes, la laïcité évidemment, peut au contraire être ce qui va fonder et légitimer un discours ou des discours et évidemment aussi des pratiques de type islamophobe. Celui que je vais citer appartient au panthéon républicain et quand il est le texte que je cite est en fait une conférence prononcée par lui en la très prestigieuse Sorbonne, dont il était professeur, également au Collège de France, c'est évidemment le texte d'Ernest Renan qui s'appelle « L'islam et la science », qui est une conférence donc prononcée en la très prestigieuse Sorbonne le 29 mars 1883 et publiée peu de temps après sous le même titre. Et dans lequel texte, dans laquelle conférence, Renan déclare ceci sous la forme d'un pur constat. Et évidemment, cette citation m'intéresse notamment pour illustrer ce que je disais tout à l'heure en des termes très généraux. Toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement l'infériorité actuelle des pays musulmans, la décadence des États gouvernés par l'islam, pardon, la nullité intellectuelle des races qui tiennent uniquement de cette religion leur culture et leur éducation. Tous ceux qui ont été en Orient ou en Afrique sont frappés de ce cas de fatalement borné, l'esprit d'un vrai croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure sa tête, la rend absolument fermée à la science, incapable de ne rien apprendre et de rien s'ouvrir à aucune idée nouvelle. Ce qui est un bel exemple là aussi, qui consiste à prendre la partie pour le tout, et donc à procéder à une sorte de mauvaise universalisation, c'est-à-dire de prendre un moment donné particulier, très singulier de l'histoire de l'islam, pour conclure que ce qui est en cause, ce n'est pas un moment particulier de l'histoire de l'islam, mais c'est bien l'islam en tant que tel. C'est bien, bien qu'il y aurait une sorte d'essence de l'islam qui permettrait de rendre compte de cette période singulière qui est celle qui retient l'attention de Renan. Et de la considération générale à l'exemple particulier, lequel évidemment est fait pour illustrer la considération générale et pour la renforcer par un exemple particulier et mieux saisir les conséquences singulières, spécifiques, individuelles et subjectives de cet islam. Renan ajoute ceci, à partir de son initiation religieuse vers l'âge de 10 ou 12 ans, l'enfant musulman, jusque-là quelquefois assez éveillé, devient tout à coup fanatique, plein d'une sorte fierté de posséder ce qu'il croit être la vérité absolue. Ce fol orgueil est le vice radical du musulman. On était parti de considérations générales sur les musulmans, des pays musulmans, et on arrive évidemment à la saisie de ce qui apparaît bien comme étant l'essence du musulman, et qui permet à la fois de rendre compte du passé, qui permet de rendre compte du présent, et qui permet évidemment aussi de rendre compte de l'avenir, puisque il est clairement établi que, pour des raisons qui sont là, et principalement et fondamentalement liées à la variable religieuse, pour le dire en ces termes, ce musulman est évidemment, à partir d'un certain âge, incapable de progrès. Ce qui va évidemment aussi fonder, dans les discours qui vont être tenus après, fonder toute une série de caractérisations et de considérations sur l'inassimilabilité supposée du musulman. Et donc, c'est la conséquence de la première caractérisation, évidemment sa dangerosité supposée lorsqu'il est présent en métropole. Donc, émergence d'une islamophobie et savante et républicaine qui va prospérer et qu'on retrouve. Et alors, c'est là où les choses sont intéressantes, contrairement à ceux qui affirment que... je vois bien où est le problème, et évidemment, c'est un problème. Mais en même temps, dans certains cas, ça peut attirer notre attention sur des aspects de certains textes qu'on lit autrement dès lors qu'on est sensible à certaines conjonctures immédiatement contemporaines. Je pense en particulier à toute une série de textes qui ont été analysés, de textes universitaires. Je ne parle pas de pamphlets ou... je parle de textes académiques et universitaires. De textes académiques et universitaires sur l'immigration qui ont très souvent été, à juste titre d'ailleurs, analysés comme des textes donnant de l'immigration... Je reviendrai parce que le terme est de lui, de l'immigration dite exotique, puisque le terme est employé entre autres par Georges Moko, donc de l'immigration exotique, des représentations stigmatisantes et relevant de caractérisations de type raciste. Ce qui est vrai. Et effectivement, si on prend toute une série de textes, pas simplement sur l'immigration, mais sur les Arabes, qu'ils soient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de je ne sais où, encore en tout cas de ces Arabes dans l'espace colonial français. On a évidemment affaire à des textes, alors je reviendrai sans doute aussi sur la raison pour laquelle c'est les deux, on a évidemment en général et en particulier affaire à des textes qui relèvent donc de l'expression d'un racisme de type scientifique. Mais en les relisant, souvent on s'aperçoit que ces textes qui relèvent effectivement de l'expression d'un racisme scientifique sont presque toujours aussi des textes qui font intervenir la question de l'islam. Et donc, ils ne sont pas uniquement racistes, ils sont aussi, et en général et en particulier, immédiatement islamophobes. Et la raison de cela me semble liée à ceci que, pour reprendre une distinction empruntée à Michel Foucault, c'est que qui distinguait le sauvage du barbare. Que dans l'espace colonial français, celui-là entre autres, mais la distinction, me semble-t-il, vaut ailleurs que l'espace colonial français. Dans l'espace colonial français, au fond, la figure du sauvage, archétypique du sauvage, c'est la figure du noir. En tant qu'il est résolument sauvage parce qu'il est considéré comme un homme sans histoire, sans civilisation, sans religion, sans culture, digne de ce nom. Là où barbare, ce n'est pas l'homme sans, ce n'est pas l'homme privé de, c'est au contraire l'homme qui a une culture, qui a une culture, une civilisation et une religion, et plus exactement une religion, une culture et une civilisation, mais qui, si je puis dire et pour le dire en ces termes, n'a pas la bonne civilisation, ni la bonne religion, ni la bonne culture. Autrement dit, le barbare, ce n'est pas l'homme sans qualité. C'est au contraire un être qui est plein de quelque chose, d'une civilisation, d'une culture, d'une religion, mais où ce qui fait problème, ce n'est pas le fait qu'il est sans, c'est au contraire le fait qu'il est plein d'eux. Et évidemment, lorsque certains s'interrogent sur les problèmes posés par le noir et l'arabe, pour le dire en ces termes, ils ne tardent pas à faire le constat, effectivement, que dans le cas de l'arabe, ce qui fait problème, ce n'est pas tellement qu'il est sans, mais justement qu'il est une sorte de trop-plein de religion, de culture, de mœurs déterminées et de pratiques déterminées par cette même religion. L'ensemble étant, là aussi, pour revenir... mais je n'avais pas quitté à la question de la Troisième et de la Quatrième République, et toujours pour emprunter ce concept à Michel Foucault, l'ensemble étant constitutif de ce que Foucault appelle, et que je reprends à mon compte là, que j'avais analysé ailleurs pour d'autres problèmes, étant constitutif donc d'un régime de vérité. En précisant immédiatement ce que Foucault entend par là, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la chose, c'est que Foucault entend par régime de vérité non pas la vérité avec un V majuscule, mais entend par régime de vérité ce qui, à un moment donné, est tenu comme vrai dans une société donnée, et tenu comme d'autant plus vrai que, justement, les thèses avancées le sont évidemment à partir dans le cadre d'un certain nombre de sciences, humaines notamment, considérées parfois comme particulièrement prestigieuse. Et donc, ce qui m'intéresse, entre autres aussi, c'est d'essayer de comprendre comment se sont petit à petit, au fond, constitués, ou s'est constitué relativement à l'islam, à ses représentations et un certain nombre de discours tenus ou de textes écrits sur, s'est constitué, au fond, une sorte de régime de vérité propre. Alors, dans un premier temps, la Troisième République, et dont on va voir qu'il a assez considérablement évolué sous la quatrième, immédiatement après 1945, pour des raisons sur lesquelles j'essaierai de revenir rapidement. Donc tout d'abord, racisme et islamophobie. Et après quoi, je traiterai dans une seconde partie de immigration coloniale et islamophobie savante après 1945. Alors, racisme et islamophobie, la littérature sur ces questions est proliférante. Extrêmement importante, je m'en tiendrai principalement à l'ouvrage donc de Georges Mocco, Les étrangers en France, leur rôle dans l'activité économique, qui est une thèse, c'est évidemment très important de le souligner, soutenue, je crois, dans les murs de la très prestigieuse Sorbonne, et faut-il le rappeler, pas simplement une thèse parmi beaucoup d'autres, mais une thèse qui a fait de son auteur l'un des meilleurs spécialistes, jugé-t-il en tout cas, meilleur spécialiste donc de l'immigration sous la Troisième République et en partie sous la Quatrième, puisqu'à la suite de cette thèse, effectivement, Georges Mocco va être amené à occuper des responsabilités nationales et internationales dans un certain nombre d'organismes français et internationaux relatifs à l'immigration et relatifs à des institutions qui s'intéressaient à la démographie, grand problème français depuis très longtemps et qui a suscité toute une série de discours sur la décadence et donc, enfin bref. Donc c'est pas un texte mineur, c'est au contraire un texte très important et qui a beaucoup contribué à faire, donc qui a contribué à faire de son auteur une très grande figure intellectuelle, savante, institutionnelle, sous la Troisième et la Quatrième République. Dans cette thèse, Moko se livre à une sorte de taxonomie comparative des émigrations européennes et de ce qu'il appelle, les émigrations exotiques, pour reprendre ces termes. Puisqu'il inclut dans les représentants l'émigration exotique, l'émigration coloniale, maghrébine, asiatique, noire, venant de l'Empire ou venant de l'extérieur de l'Empire, mais globalement venant plutôt de l'Empire français. Et dans le cadre de cette taxonomie comparative entre les mérites et les méfaits de l'émigration européenne et exotique, Moko est amené donc à traiter des avantages et des inconvénients de l'émigration européenne. Mais il ne peut pas, bien sûr, donc il ne le fait pas. Les problèmes posés par l'émigration européenne ne sont pas d'abord avant tout des problèmes relatifs, ethnico-raciaux. Pas même évidemment des problèmes de type cultuel et ou culturel, plutôt des problèmes de type éventuellement politique, notamment parce que à l'époque où Moko écrit, donc c'est une thèse qui est parue en 1932, est un sujet d'inquiétude relativement grand en France. Alors c'était un sujet d'inquiétude avant, mais c'est de nouveau un sujet d'inquiétude pour des raisons politiques liées au devenir de l'Italie, c'est-à-dire la présence en France d'une très importante ou jugée importante, parce que là il faut évidemment se méfier de la façon dont une émigration est perçue. Elle peut être perçue comme très importante alors qu'elle est objectivement peu importante, on est assez bien placé pour le savoir. Et donc ce qui inquiète Moko, notamment lorsqu'il traite de l'émigration italienne, ce ne sont pas évidemment des considérations de type ethnico-racial, moins encore des considérations de type cultuel, puisque ceux-là sont bien blancs et en général plutôt catholiques, mais le problème là c'est que l'immigration à laquelle il pense n'est pas particulièrement catholique, puisque ce qui l'inquiète c'est évidemment l'arrivée en France d'un nombre important d'émigrés italiens qui ont fui le fascisme et dont la dangerosité ne repose pas sur leurs caractéristiques ethnico-raciales, mais repose sur des critères d'ordre politique. Et donc là, le problème n'est pas d'abord et avant tout un critère de défense de l'identité nationale, comme on dirait aujourd'hui, mais plutôt l'inquiétude étant une inquiétude relevant de la défense de l'ordre public. Je vous passe les détails. C'est un texte qui est à la fois xénophobe, c'est un texte qui est à la fois antisémite. Ce qui prouve d'ailleurs que l'antisémitisme savant avait également opinion sur rue, parce qu'il y a des considérations sur les juifs du Marais qui présentent un certain nombre de traits physiques et évidemment un certain nombre de traits de caractère perçus comme, à la différence donc, de cette immigration européenne, comme étant la somme de cela, plus évidemment également aussi leurs caractéristiques religieuses et culturelles, comme étant pensées, là aussi et là encore, comme posant un certain nombre de problèmes, mais là, relatifs à leur quasi-impossibilité à s'assimiler, comme on le dit à l'époque, dans les, entre guillemets, douze eaux de la République, qui n'étaient pas si douces que cela. Relativement à l'émigration dite exotique, et plus précisément relativement donc aux Arabes, et là Moko distingue le noir de l'arabe, et sa distinction repose, évidemment il ne le sait pas mais peu importe, repose et recoupe la distinction donc entre le sauvage et le barbare, et donc relativement à l'arabe, Moko mobilise évidemment des considérations de type ethnico-racial, très classique, et mobilise évidemment aussi toute une série de critères culturels et culturels, qu'il trouve dans l'islam justement, et qui lui permet, estime-t-il, de saisir une caractérologie particulière de l'arabe musulman. en général les deux étant pris pour des synonymes. Et où, alors à la fois collectivement et individuellement, l'islam permet, est perçu donc comme une religion de guerre, faisant l'exaltation de la violence, à la fois collective et éventuellement individuelle, permettant de rendre compte, alors c'est un grand classique ça, dans la littérature coloniale, littérature au sens général du terme, pour rendre compte de la haine du musulman, de la haine éprouvée par le musulman envers le roumi, le chrétien, qui n'est évidemment pas mis sur le compte de la situation coloniale, mais sur le compte de l'islam, évidemment, qui est constitutive l'ensemble, au-delà de Moko, d'une psychologie des peuples, très importante, l'école française de psychologie des peuples, et notamment l'école française de psychologie des peuples, sise en l'université d'Alger, sous la direction de quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la constitution de la psychologie ethnique, comme on disait aussi à l'époque, sur lequel Moko d'ailleurs s'appuie, ou auquel il emprunte un certain nombre d'éléments, psychologie ethnique donc développée par un certain Antonin Porot, très grande figure de la psychologie ethnique de l'entre-deux-guerres, et dont le fils va, si je puis dire, continuer l'œuvre du père après 1945, avec des considérations sur l'arabe dans un dictionnaire de psychologie publié après 1945, qui sont tout à fait singulières. L'ensemble permet donc à Moko de reprendre un certain nombre de thèmes qui, si je puis dire, courent les rues en Algérie comme en métropole, relativement aux caractéristiques de l'arabe et du musulman. Moindre capacité à dominer ses passions, et évidemment ça a à voir, ou ça peut être, ça s'inscrit dans... dans les analyses faites par Renan, c'est-à-dire sur le fait que l'islam est tant perçu comme cette religion qui bloque le développement intellectuel de ceux qui suivent cette religion, ça permet aussi de comprendre pourquoi, et d'expliquer effectivement pourquoi, d'un point de vue individuel, cette stagnation dans le progrès de l'exercice de la raison a des conséquences évidemment sur la moindre capacité des Arabes à dominer leurs affects. Toute chose étant égale par ailleurs, c'est une caractéristique qui partage évidemment avec les femmes. Alors de toute race, celle-là, blanche comprise. On pourrait faire d'ailleurs, il y a toute une série de on pourrait faire aussi un certain nombre d'analyses sur, dans certains cas, sur la sorte de féminisation de l'arabe, ou en tout cas, dans certains cas, ou dans d'autres, dans son hyper-masculinité, perçue évidemment comme dangereuse. Parce que le fait que l'arabe musulman et d'une soit pensé comme moins capable de maîtriser ses passions, a une conséquence très importante, notamment, il est perçu comme un être, notamment sur le plan moral, social et sexuel, comme un être doté d'une sexualité anormale, qui donne lieu à des thèses, qui sont des thèses là de médecine, qui vont constater la chose. Je pense là en particulier à une thèse qui est soutenue en 1939, l'une des caractéristiques de l'arabe musulman, c'est d'avoir une propension plus importante que les autres à l'exhibitionnisme et un érotisme débridé. Plus évidemment, alors là c'est une caractéristique qui n'est pas spécifique aux barbares, qui est propre aussi aux sauvages, c'est-à-dire propre à la fois... propre à la fois à l'arabe et au noir, c'est évidemment un rapport assez particulier au travail et un rapport marqué justement par une, c'est dit parfois et écrit texto, une forme de mépris pour le travail. Et donc évidemment une sorte d'exaltation de la fainéantise, du rien faire. Qui peut donner lieu, alors qui peut s'appuyer sur des constats réputés objectifs. Et sur des photos éventuellement, bien sûr, laquelle est supposée rendre compte d'une réalité saisie de façon absolument objective. La conséquence de cette affaire, c'est-à-dire de cet ensemble de caractéristiques qui puisent à la fois dans des considérations de type ethnico-racial, dans des considérations de type cultuel et culturel, Les conséquences de l'ensemble de cela sont extrêmement importantes, à la fois en Algérie et en métropole. Très importantes dans l'Algérie des départements français, puisque c'est cette caractérisation-là de l'arabe comme moindre capacité à progresser dans l'exercice de la raison, etc., etc., passion exacerbée. Les juristes vont tirer une conséquence et ceux qui travaillent sur la délinquance également vont tirer une conséquence, c'est qu'il faut évidemment que le droit pénal dans l'Algérie coloniale soit évidemment beaucoup plus sévère que le droit pénal en métropole, parce qu'il s'agit de sanctionner différemment et plus sévèrement la récurrence et la réitération d'actes qui sont plus courants et plus graves en Algérie en raison de la caractérologie particulière des Arabes et des musulmans. Donc ce n'est pas simplement des représentations, c'est évidemment aussi des représentations qui légitiment des pratiques, et des pratiques qui sont parfois juridiquement sanctionnées. Globalement, le tout débouche sur, pour ce qui est de l'Algérie coloniale, ce qui permet aussi de comprendre les particularités du droit colonial dans certains cas, et entre autres du code de l'indigénat, sur la théorie du bon tyran, puisque la chose est entre autres théorisée et formalisée par Ernest Renan, repris par Jules Ferry, et globalement, par tous les juristes politistes et historiens de la Troisième République, selon laquelle le régime du bon tyran est le seul régime adéquat aux mœurs particulières des Arabes, et notamment en Algérie. En France, en métropole, la conséquence de l'ensemble de ces représentations, dont Moko ne fait au fond que reprendre des représentations ou des thèses, pardon, qu'il va trouver en histoire, en géographie, en psychologie ethnique, éventuellement du côté de la médecine, et qu'il agrège, si je puis dire, ou qu'il remet en forme pour ce qui l'intéresse, c'est-à-dire pour l'analyse des avantages et des mérites, et surtout dans ce cas-là des inconvénients, de l'immigration dite exotique. Relativement en France, évidemment, la conclusion de Moko est que, à la différence de l'immigration de type européenne, l'immigration nord-africaine, comme on le dit à l'époque, est évidemment inassimilable. Et étant inassimilable, ou pour le dire autrement, la dangerosité de cette immigration est évidemment indexée sur sa supposée inassimilabilité. Ou pour le dire encore autrement, plus une immigration va être jugée inassimilable, plus elle va être réputée dangereuse dès lors qu'elle est présente massivement ou minoritairement, enfin bref, sur le territoire national. La conséquence, c'est effectivement relativement aux Arabes, l'idée selon laquelle, étant inassimilable, la nécessité, évidemment, de contrôler cette immigration. Et des représentations ou pratiques, là, la route va être très directe. C'est antérieur à la thèse de Moko. Mais effectivement, je rappelle simplement que jusqu'en 1914, les indigènes musulmans, donc sujets français, alors sujets au sens de assujettis, pas au sens de sujets en tant qu'ils seraient titulaires de prérogatives qui en feraient des égaux aux citoyens français, c'est évidemment pas de cela qu'il s'agit, mais les indigènes en tant que sujets français sont, ça fait partie de leur statut d'indigène, privés de la liberté de circulation et dans les départements français d'Algérie et entre les départements français d'Algérie et la métropole. Cette absence de liberté de circulation entre les départements français d'Algérie et la métropole est levée en 1914 pour des raisons évidemment liées à la guerre et maintenue par la suite jusqu'en 1924. 1924, la Troisième République rétablit des dispositions juridiques restrictives restrictives en matière d'immigration, qui ne pèsent évidemment que sur les sujets indigènes algériens. Un colon français peut évidemment se déplacer à la fois parfaitement librement dans les départements français d'Algérie et entre l'Algérie et la métropole et la métropole et l'Algérie, puisqu'il ne change pas de territoire. Il y a évidemment une discontinuité géographique, mais il y a continuité administrative, politique et juridique pour lui. C'est comme lorsque nous allons en Martinique, nous ne sortons pas du territoire national. Nous faisons simplement que changer de département. Par contre, pour l'émigré nord-africain, algérien en l'occurrence, lui va, à partir de 1924, et en raison de l'augmentation significative du nombre d'émigrés nord-africains en métropole, va se trouver soumis à un certain nombre de dispositions restrictives. Je ne m'étends pas, on pourra éventuellement y revenir dans le débat, dont certaines vont se retrouver dans le droit des étrangers beaucoup plus tard. Et une partie du droit des étrangers, ou certaines dispositions du droit des étrangers encore en vigueur aujourd'hui, ont des origines coloniales. Et donc, à partir de 1924, remise en cause radicale de la liberté de circulation pour les indigènes nord-africains au motif et au nom de leur dangerosité. Ce discours, qui est à la fois un discours raciste et islamophobe, va rebondir après 1945. Alors, le terme rebondir est trivial, si je puis dire, et en tout cas imprécis. Imprécis parce que trivial. Parce que ce qu'il s'agit de penser là, et en tout cas pour le formuler en ces termes, la question, je ne prétends pas la résoudre, mais en tout cas c'est la question qui me taraude, si je puis dire. La question peut se formuler de façon relativement simple, je ne suis pas sûr que la réponse le soit toujours. Mais en tout cas, la réponse peut se formuler de façon relativement simple et on peut la formuler ainsi. Ça vaut pour notre actualité à la fois xénophobe, dans certains cas raciste et islamophobe. Comment se fait-il, donc ça c'est la question, comment se fait-il que des discours qui nous semblent, alors surtout lorsqu'on a affaire à des discours, et j'en prends tant par discours, pas simplement des discours qui auraient été prononcés, mais des textes bien sûr. Comment se fait-il que des discours, des textes qui nous paraissent à l'évidence relevés, comme dirait Bourdieu, de la scientificisation du sens commun, et pour renvoyer de nouveau à Foucault et donc être constitutif d'un régime de vérité qui, à un moment donné, était le régime de vérité d'une société, à un moment donné, et d'un certain nombre de sciences humaines qui aujourd'hui n'est plus notre régime de vérité, comment se fait-il que ces discours-là perdurent? Qu'est-ce qui permet de comprendre qu'ils aient, dans certains cas, une extraordinaire capacité à perdurer dans le temps et à traverser un certain nombre de ruptures historiques et, dans certains cas, un certain nombre de ruptures épistémologiques. Et à se retrouver dans certaines disciplines, plutôt que dans d'autres, éventuellement, mais à ressurgir, si je puis dire. Alors, on ne peut pas rendre compte de cela sous le concept, pseudo-concept, j'aurais tendance à le dire, sauf lorsqu'il est possible de suivre la chose de façon très précise. Mais pour emprunter l'expression à Gilles Deleuze, ce pseudo-concept d'encreuse, d'influence. Bon, parce que, en général, le terme d'influence est un mot mis pour cacher notre propre perplexité face justement à ces phénomènes de longue durée. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un discours que nous percevons immédiatement comme relevant du préjugé perdure? Bon. Mettre ça sur le compte de l'influence, c'est en général mettre un mot sur ce qui est le fait problème. C'est-à-dire, comment se fait-il que on croit avoir résolu le problème en mobilisant le pseudo-concept d'influence. En fait, on n'a rien résolu du tout. On met un mot sur notre propre ignorance, ou on met un mot sur notre paresse intellectuelle, ou notre difficulté à résoudre le problème. Peu importe. Mais l'important, c'est donc, à défaut de résoudre complètement le problème, au moins de considérer qu'il y a là un problème. Donc, comment se fait-il que ça perdure? Alors, je n'ai pas du tout la prétention de répondre à la totalité des problèmes soulevés par la question, qui peut être énoncée en des termes simples, et les réponses, non. Simplement, je voudrais prendre un exemple pour essayer de voir comment ça peut fonctionner à travers un exemple très précis. Cet exemple très précis, c'est donc comment, après 1945, perdurent des discours assurément islamophobes. Certes, ils perdurent. Et en même temps, comment se fait-il qu'ils perdurent? Je veux dire, par là, comment se fait-il que ces discours islamophobes perdurent alors même qu'ils ne sont pas... Et s'ils perdurent, c'est que, évidemment, ils ne sont pas perçus par ceux qui les tiennent et par ceux qui les reçoivent comme des islamophobes, mais comme des discours scientifiques. Toujours, encore. C'est évidemment ça qui permet de comprendre que ce type d'écrit ou de discours continue, si je puis dire, sur sa lancée. Mais il ne continue pas sur la lancée parce que les rails seraient continus. Ce qu'il faut arriver à penser, je crois, c'est à la fois des continuités discursives et des discontinuités radicales des arguments avancés pour soutenir ces discontinuités, ces continuités discursives. Je vais illustrer la chose, le propos général, par des exemples précis. Après 1945, donc, on se trouve dans une situation très particulière. Très vite, parce que le temps passe, où, pour des raisons historiques et académiques, le concept de race est évidemment un concept qui est, alors, j'allais dire totalement discrédité, non, mais passablement discrédité. Pour des raisons historiques, c'est évidemment la destruction des Juifs d'Europe, et antérieurement le nazisme, bien sûr. Pour des raisons scientifiques, en partie liées éventuellement au premier point, mais pas du tout uniquement, mais en partie liées, mais pas uniquement, pour des raisons académiques, parce que, entre autres, dans le domaine de l'ethnologie, et ça c'est évidemment très important, Claude Lévi-Strauss, rendons-lui hommage sur ce point comme sur d'autres, publie évidemment « Race et histoire », dont il faut rappeler qu'il est une commande d'ouvrage de l'UNESCO, dans le cadre justement de la volonté qu'a l'UNESCO, après 1945, de faire un sort, à la fois, si je puis dire, politique culturel, et, mais également scientifique, ou plus exactement un sort scientifique au pseudo-concept de race, pour mieux pouvoir le combattre sur le terrain politique et culturel. On a donc bien affaire à la fois à une double rupture, à la fois, disons, historique majeure, c'est très clair, et une rupture, disons, épistémologique, évidemment très importante. Alors là aussi, là encore, la proposition est, doit être nuancée dans la mesure où, en matière de rupture épistémologique, il est clair que cette rupture épistémologique est, dans le domaine particulier de l'ethnologie, et de la sociologie massive. C'est-à-dire que globalement, après race et histoire, il est impossible pour quelqu'un qui prétend tenir un discours scientifique dans le domaine de l'ethnologie et de la sociologie de continuer à mobiliser le concept de race. C'est évidemment un discrédit absolu. Les choses sont en fait beaucoup plus compliquées que cela, parce que cette rupture épistémologique qui, là, tranche vraiment l'histoire de ces sciences humaines en deux, les effets sont dans d'autres disciplines infiniment plus lents. C'est vrai pour l'histoire, c'est vrai pour la géographie, et c'est encore plus vrai pour la psychologie des peuples. Où là, le concept de race est encore mobilisé, mobilise encore des caractéristiques ethnico-raciales, ce qui fait que, par exemple, un très grand psychologue britannique peut écrire un rapport, c'est pas un article écrit sur un coin d'une table à la va-vite et publié dans une revue complètement mystérieuse que 10 lecteurs auraient lu. C'est un rapport qui fait à peu près 70 pages. C'est un rapport rédigé pour l'Organisation Mondiale de la Santé, agence on ne peut plus officielle et prestigieuse de l'ONU, validée par cette agence. C'est un article, enfin un très très gros article, 70 pages, qui porte le doux titre de « Psychologie et psychopathologie de l'Africain » avec un A majuscule. Quelqu'un qui aurait écrit en ethnologie un article du même tonneau en parlant de l'arabe en 1950, ou 56, ou au début des années 60, aurait eu beaucoup de mal à publier dans une revue scientifique. Il aurait peut-être pu publier dans l'équivalent du Figaro Magazine, mais dans une revue scientifique, ça aurait été assez difficile pour lui. Et à mon avis, sa carrière scientifique aurait été obérée à jamais par cette affaire. Bref, rupture épistémologique assurément, mais avec des effets différentiels dans le temps et qui n'affectent pas du tout ni au même rythme, ni bref, l'ensemble des sciences humaines. Néanmoins, effectivement, ça produit des effets très importants relativement au discours, aux textes écrits sur l'émigration nord-africaine. Notamment parce que se pose un problème après 1945, qui est un problème pas uniquement théorique, qui est un problème très pratique, c'est qu'après 1945, les indigènes de l'Empire ne sont plus des sujets français, mais sont devenus des citoyens, qui globalement ont des droits et libertés à peu près équivalents à ceux des colons, des bons citoyens français de souche. Nonobstant quelques caractéristiques, je ne parle pas, je vous fais grâce du double collège en Algérie, enfin, qui ne sont pas du tout marginales, mais enfin bref. Ils sont à peu près nos échos. Et la conséquence de cette affaire, c'est évidemment qu'il n'est plus possible, après 1945, d'établir des mesures discriminatoires à l'endroit des émigrés nord-africains qui disposent donc de la liberté de venir entre la métropole et le département français d'Algérie et qui se rendent donc massivement en métropole, pour des raisons évidemment liées au début des Trente Glorieuses et à la reconstruction nécessaire du pays. Ce qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes et mobiliser la fine fleur, et là je le dis sans ironie aucune, presque en tout cas, la fine fleur des élites scientifiques démographiques de France. Trois personnes, entre autres, celui qui est à l'époque un historien, mais qui est plutôt connu à l'époque parce qu'il n'est pas encore complètement historien et va le devenir très vite et assez vite plus tard, et qui va devenir d'ailleurs un historien très prestigieux, puisqu'il va finir sa carrière au Collège de France, qui est Louis Chevalier, mais qui à l'époque est plutôt connu comme démographe, d'une part, et comme spécialiste de l'émigration. Et qui a écrit, comme vous le savez, j'imagine, « Classe pauvre et classe dangereuse » au XIXe siècle, texte par ailleurs absolument passionnant. Louis Chevalier, qui à l'époque se pense et est pensé donc comme un grand spécialiste de la démographie et de l'émigration, publie des articles qui reçoivent le sceau très prestigieux et très scientifique, et d'autant plus prestigieux et scientifique que l'institution vient d'être créée. C'est le sceau prestigieux et scientifique de l'Institut national des études démographiques. Je reviendrai sur leur très prestigieux fondateur, à savoir Alfred Sauvy et Robert Debré, le père fondateur de la pédiatrie française. Et Louis Chevalier, donc, publie plusieurs articles sur le sujet. Il est par ailleurs professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, très prestigieuse institution, comme chacun sait déjà à l'époque. Enfin, ça remonte à loin, parce que c'est une invention de la Troisième République, et où, globalement, il professe les mêmes cours. Bon. Ce qui est évidemment cohérent. Et relativement à l'émigration nord-africaine, il écrit ceci, c'est un article donc publié dans le cadre de l'INED, validé par l'INED, « Les données essentielles du problème humain posé par les Nord-Africains se ramènent, continuation de la citation, à ce fait fondamental, l'islam. » Qui crée, suite de la citation, par derrière toutes les apparences secondaires d'européanisation, un profond refus de toute assimilation. Suis quelques exemples, destinés en bon historien qui va devenir destiné à illustrer la proposition générale par des constats empiriques irréfutables. Le changement de costume, l'usage de la langue française. Alors là, vous allez apprécier le vocabulaire employé, la pratique de nos banlieues, intéressant, ne change rien à la chose. Donc c'est bien effectivement la preuve que ce Nord-Africain peut porter costume, cravate, parler un français parfaitement châtié, pratiquer nos banlieues, délicate formule, il n'en reste pas moins musulman. Et là, qu'est-ce qui est mobilisé? C'est plus du tout des critères de type ethnico-racial qui disparaissent complètement des textes de Louis Chevalier. Ce qui est uniquement mobilisé, c'est évidemment, comme on dirait aujourd'hui, la variable religieuse qui emporte évidemment une variable culturelle et qui devient là la cause exclusive, l'ensemble, devenant la cause exclusive de l'inassimilabilité supposée de du Nord-Africain. Cette thèse, elle n'est pas simplement soutenue par Louis Chevalier, elle est soutenue en tant que telle par Alfred Sauvy et Robert Debré eux-mêmes, dont il faut rappeler qu'ils sont les fondateurs de l'INED, et Alfred Sauvy étant le premier président de l'INED, qu'il a dirigé et présidé donc pendant très longtemps, et qu'il a aussi dirigé pendant très longtemps la revue de l'INED, dont le titre m'échappe présentement, Population, et que Alfred Sauvy, comme Louis Chevalier, a fini dans le Saint des Saints de la République, à savoir au Collège de France. Quant à Robert Debré, ce n'est pas une personnalité secondaire, c'est le père fondateur de la pédiatrie moderne française, donc c'est quelqu'un qui, dans le champ médical, occupe une position absolument éminente. Et par ailleurs, il est perçu aussi comme un très grand démographe. C'est des gens, donc, qui bénéficient, comme Marie Dubourdieu, de à peu près tous les signes et reconnaissances institutionnelles qui font d'eux, donc, des autorités en la matière. Et il publie en 1946 un ouvrage, dont vous apprécierez également le titre, qui s'appelle, ils sont parfaitement républicains, évidemment, « Des Français pour la France, le problème de l'immigration ». Vaste programme, comme aurait dit le général. Ouvrage qui n'est pas publié, là aussi, il est encore par une petite maison d'édition parfaitement marginale, puisque cet ouvrage est publié, là aussi, il est encore, dans la maison d'édition la plus prestigieuse que la France ait portée, puisqu'elle cumule tous les signes de reconnaissance intellectuelle et de notoriété, puisqu'il s'agit des très prestigieuses éditions Gallimard. Et la thèse majeur soutenu dans cet ouvrage est, là aussi et là encore, que les émigrés maghrébins sont inassimilables et la cause de cette situation singulière, c'est évidemment l'islam, qui, je cite Alfred Sauvy et Robert Debré, rend, c'est là que commence la citation, la fusion des populations difficile est sans doute peu souhaitable. Car, ajoute-t-il, les résultats obtenus sont déplorables tant pour la santé publique que pour la moralité générale. Classique, très classique mixophobie, qui est en général et en particulier une caractéristique des discours de type raciste, et globalement, au-delà de la seule caractéristique des discours de type raciste, donc ce n'est pas uniquement la caractéristique des discours de type raciste, et un élément qu'on retrouve dans, évidemment, tous les discours phobes. Pas tous, mais en tout cas, là, relativement à l'islam, évidemment. Là aussi, et là encore, on aurait, même en cherchant très bien, et en les lisant avec beaucoup d'attention, dans l'ouvrage des Français pour la France, le problème de la population, de même que l'ouvrage, l'article de Chevalier, l'ouvrage de Alfred Sauvy et Robert Debré est parfaitement congruent au régime de vérité établi après 1945 et au régime de scientificité établi après 1945, c'est-à-dire l'évacuation, l'éjection, la dévalorisation, le discrédit total de la variable ethnico-raciale au profit donc de la mobilisation donc, de la variable culturelle et culturelle. Ce qui permet, me semble-t-il, là, relativement, de comprendre, notamment, comment, effectivement, un discours peut perdurer, mais la condition de perduration, si je puis dire, de ce discours, c'est que, justement, il ne peut perdurer que parce que les ressorts scientifiques mobilisés pour tenir son discours ont été radicalement modifiés. Et c'est évidemment cette condition-là qui est absolument nécessaire, pour ne pas dire suffisante, en tout cas absolument nécessaire, au fait que le discours sur l'inassimilabilité du nord-africain et du musulman perdure. Autrement dit, c'est bien une discontinuité argumentative qui garantit la continuité d'un certain nombre de représentations antérieures qui peuvent être ainsi défendues à nouveau frais et conformément donc au nouveau régime de vérité et de scientificité qui se constitue peu à peu après guerre. Et qui permet évidemment de comprendre pourquoi des textes, des discours qui relèvent donc pour nous de la scientificisation du préjugé et du sens commun peuvent évidemment perdurer dans le temps, justement parce que ils ne sont pas perçus par ceux qui les élaborent et par ceux qui les reçoivent comme tels. Et s'ils ne sont pas perçus comme tels, c'est évidemment parce que ceux qui les tiennent se sont, si je puis dire, ajustés aux évolutions du régime de vérité. Je pourrais prendre un autre exemple, et je finirai là-dessus, emprunté à la psychologie des peuples, où la thèse selon laquelle le sauvage est un grand enfant, thèse très ancienne qu'on trouve déjà dans des textes du XVIIIe, le noir comme grand enfant, le noir comme celui qui, à un moment donné, voit le progrès de sa raison stoppé par différentes considération ou pour différents motifs. Alors un motif racial, un motif ethnique, la conjonction des deux, bref. La thèse du noir comme grand enfant, ou la thèse du maghrébin comme voyant, là aussi, pour des raisons culturelles, sa raison stoppée en raison de ce cercle de fer qui est supposé mettre un terme au progrès, pour reprendre les termes de Renan. Cette thèse, dont on pourrait retrouver les origines très lointaines au XVIIIe et après, elle ressurgit sous la plume de très distingués psychologues des peuples après 1945. Et là aussi et là encore, on a affaire exactement au même type de mouvement, c'est-à-dire continuité du thème, discontinuité radicale des arguments mobilisés pour le soutenir. Et ce qui va être mobilisé après 1945 pour expliquer, c'est le cas entre autres de l'article que j'ai cité tout à l'heure sur la psychologie, la psychopathologie de l'Africain avec un A majuscule, qui est, j'avais oublié de vous donner le nom de l'auteur, qui est un psychologue britannique, par ailleurs grand spécialiste, enfin très bon connaisseur d'une partie de l'Empire britannique et notamment du Kenya, qui s'appelle Carothers. Le texte que j'ai cité doit être publié en 1954 ou 1956, je n'ai plus la date exacte en tête, mais il doit être facile à retrouver, en tout cas il est à la BNF, c'est là où je l'ai trouvé. Par exemple, le texte de Carothers sur la psychologie, la psychopathologie de l'Africain repose exactement là-dessus. Carothers fait quoi ? Il défend absolument la thèse selon laquelle l'Africain présente des traits psychologiques qui font de lui une sorte de grand enfant, ou en tout cas l'Africain adulte présente des traits psychologiques propres à l'enfant. Il mobilise pour cela les dernières découvertes de la psychologie infantile. Et où est-ce qu'il va chercher ses arguments ? Du côté de Piaget, évidemment. Ce qui lui permet de présenter un texte qui, au regard des exigences académiques de saison et du régime de vérité, à un moment donné, de cette discipline, est parfaitement adéquat aux normes de la discipline, puisqu'il mobilise celui qui est effectivement pensé, et qui doit être pensé, assurément, comme le fondateur et comme l'un des très grands fondateurs de la psychologie infantile. J'ai à peu près tenu dans les 60 minutes qui m'étaient imparties. Si j'ai dépassé, vous m'excuserez très par avance, je l'espère en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai beaucoup de questions, mais en fait, elles ne sont pas encore bien stabilisées dans ma tête. Là, il faut que j'organise tout ça. Je ne sais pas si la liste. Une question, j'ai été très intéressé par le problème que vous avez soulevé, la question qui vous taraude. Donc j'étais très intéressé par la question qui vous taraude sur pourquoi est-ce que ça perdure ? Pourquoi est-ce que un discours qui a été construit dans un régime de vérité antérieure perdure malgré une rupture épistémologique, en l'occurrence la disqualification du concept de race. Et j'avais été personnellement, je me suis posé ici cette question avec le terme assimilation dans le cadre d'un travail de thèse sur pourquoi est-ce que ce terme est continué à être utilisé après la Seconde Guerre mondiale, malgré le fait que du point de vue du discours scientifique et aussi du discours juridique, c'était un terme qui a été utilisé pour stigmatiser, pour exclure toute une partie de la population française et la population coloniale. Donc tout le discours sur l'inassimilabilité, c'est d'abord à l'encontre des juifs que le discours a été construit, il a circulé pour les femmes, pour les indigènes, etc. Donc je me suis aussi posé cette question, et donc vous, votre réponse me semble être vraiment très intéressante. C'est l'idée que, en gros, si j'ai bien compris votre raisonnement, il y a un changement de catégorisation, il y a une transformation du discours. On passe de la race à la culture, ou de la race ethnique à la culture ou à la religion, et c'est ce changement de catégorisation qui favorise le maintien d'une certaine manière de penser, d'une certaine manière d'envisager une catégorie de la population. Et cette réponse me semble... j'ai deux remarques, deux questions par rapport à ce raisonnement qui me semble vraiment intéressant. Le premier, c'est est-ce que on peut pas aussi expliquer la perduration, la perpétuation d'un régime de vérité antérieure par le lien qui existe entre le discours scientifique et le discours d'État, et le discours administratif. Donc, vous avez cité l'INED, qui est en effet l'institution par laquelle le discours sur les différences culturelles va se substituer au discours sur la différence raciale. Et l'INED, c'est une institution qui dépend du ministère de la Population et qui alimente la réflexion des administrateurs, donc pour ce qui concerne la politique de l'immigration, pour ce qui concerne la politique de naturalisation, etc. Donc, est-ce qu'une des conditions de maintien de ce discours ne serait pas aussi liée au fait que la disqualification du concept de race, la disqualification de cette idée d'inassimilabilité n'a pas touché l'administration? Si on prend les discours juridiques, la politique d'immigration maintenant, et de la naturalisation, on retrouve ces termes euphémisés, neutralisés par le discours juridique, mais on pourrait dire qu'il y a un point d'appui dans le discours juridique ou dans le discours d'État sur lequel peut reposer le maintien de ce genre de discours. Puis donc, une remarque, question aussi, ce serait peut-être la question de la mobilisation de la catégorie concernée. En l'occurrence, on pourrait faire une comparaison entre la disqualification du concept de race en France et les effets que ça peut produire dans le champ scientifique, et le même processus de disqualification aux États-Unis en lien avec l'émergence d'une nouvelle discipline, donc des Black Studies, des universitaires noirs qui vont remettre en cause cette manière de penser la sociologie. Donc, est-ce que c'est pas aussi lié aux luttes internes au champ académique qui fait que une certaine radicalité dans la disqualification du concept de race, de l'essentialisation, etc., n'était pas encore présente dans l'espace académique français après la Seconde Guerre mondiale? Et on pourrait dire que les choses n'ont pas complètement été bouleversées sur certains aspects. Je ne sais pas si je suis clair. Juste un petit complément, et puis je vous donne la parole pour une série de questions. Une autorité, il faut l'utiliser. C'est l'avantage. pour continuer, je me dis, sur la question de la perpétuation, est-ce qu'au fond, la perpétuation n'est pas rendue possible parce que, justement, l'islamophobie ne s'est jamais limitée à une catégorie ou un sous-régime particulier, c'est-à-dire naturaliste, biologique ou bien purement racial ou une sorte de disqualification culturelle et culturelle, c'est-à-dire que les historiens qui sont venus les premières séances ont bien montré à quel point derrière l'islamophobie, selon les saisons, hein, pour reprendre votre terme, on avait des combinaisons particulières et là... Avec l'exemple de Chevalier, Debré et Alfred Sauvy, on a un bon exemple. C'est-à-dire que rapidement, on voit très bien comment est-ce que cette pensée-là peut perdurer assez facilement, juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après le massacre des Juifs, etc. etc., etc. Deuxième chose, vous avez cité Lévi-Strauss, qui a marqué une rupture avec race et histoire, mais le Lévi-Strauss de Triste... était pas mal dans une forme d'essentialisation de l'islam et des musulmans. Ça, c'est un texte qui est peut-être un petit peu moins connu, Triste Tropique, si ma mémoire est bonne, a été publié en 55, je crois, ou 56, j'ai un doute. Et c'est un texte qui est connu justement pour avoir un certain nombre d'éléments de disqualification de l'islam et des musulmans à travers le même processus de généralisation que vous avez bien défini au départ avec la définition de l'islamophobie. C'est tout, je vous reprends. Une observation, deux observations, mais la première qui est un peu anecdotique. Moi je suis américain d'origine, mais je vis en France depuis 30 ans, et donc ça fait 30 ans que je débarque ici, et c'était intéressant pour moi parce qu'effectivement le racisme chez nous a toujours été principalement un racisme anti-noir. Et la question musulman-arabe n'entrait pas de tout dans le débat aux États-Unis. Maintenant, oui, hein, mais il y a 30-40 ans, ça n'existait pas. Et je crois qu'avant d'arriver en France, je n'avais jamais rencontré un maghrébin. Donc je suis arrivé un peu comme le persan traditionnel qui est arrivé ici, qui regardait les choses, qui lui semblait un peu bizarre. Et cette question, à l'époque, des préjugés anti-arabes était exprimé comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas au niveau savant, évidemment, mais c'était au niveau des contacts dans la rue, etc. Mais je me souviens très bien, j'étais enseignant dans une école de commerce, comme gagne-pain, il y a une vingtaine, 25 ans. J'avais un étudiant, bonne famille, 16e, etc. Et moi-même, je suis d'origine juive, donc on parle un peu de l'antisémitisme en France. Et il m'a dit, avec toutes les lettres, entre guillemets, « Ah, monsieur, n'inquiétez-vous, ne vous inquiétez pas, les Français, on n'est pas antisémites, et c'est les Arabes qu'on n'aime pas. » Et j'ai dit, « Bon, mais pourquoi vous n'aimez pas les Arabes ?» Et il m'a répondu, « À cause de tout ce qu'ils nous ont fait. » Cette phrase m'est restée dans la tête. Et je me dis, « Excusez-moi, mais c'est vous qui étiez chez eux, et pas eux qui étaient chez vous. » Mais j'étais totalement étonné par ce discours qui était strictement racialisé au niveau populaire. Ce n'était pas du tout le musulman. Et pendant 25 ans ici, je n'ai jamais entendu parler de musulmans quand j'ai entendu des commentaires sur les marionnettes. Il y a quand même un phénomène relativement récent, au moins au niveau populaire, encore une fois, qu'on parle pas de, on parle plus de l'arabe quand on entend des commentaires anti-immigrés, anti-maghrébins, mais on parle toujours de l'islam. Ça, c'est la première chose, que c'est, qui est quand même intéressant au niveau populaire, pour moi, en tant qu'observateur qui arrive de l'étranger, même si c'est il y a longtemps. Deuxième chose, sur le plan du droit, parce que j'ajoute que je suis avocat. Je suis ni historien ni avocat. Non. On me prête énormément de titres, mais je suis désolé, non, je ne peux pas être tout ça à la fois. Je ne suis pas avocat. Mais ce qui est frappant, moi, j'ai fait du droit des étrangers pendant une dizaine d'années, parce que bon, j'étais au barreau de New York, parce que je suis venu ici, je suis entré au barreau d'ici une dizaine d'années. Et il y a 3-4 ans, j'ai décidé d'essayer de me concentrer plutôt sur le droit de la discrimination et pas tellement le droit des étrangers, parce qu'il me semblait que la chose qui m'a frappé ici, et ça c'est encore une réaction sans doute d'Américains, c'était pas qu'on exclut les étrangers, que ça se fait un peu partout, mais qu'on exclut des gens qui ne sont pas des étrangers, non, c'est en fonction de leurs origines. Et que ce qui est frappant dans le droit, et ça c'est une chose technique, c'est l'incapacité du droit français d'absorber la notion de discrimination indirecte. C'est très intéressant comment on cherche dans les tribunaux français à refuser de regarder en face la situation de discrimination sur la base des origines. Ça se fait parfois informellement. Je ne sais pas s'il y a une étude faite des peines imposées, par exemple. Moi, j'ai quelque chose qui reste à travers la gorge depuis hier. J'ai plaidé hier dans une affaire qui était, pour ceux qui lisent, ça fait comme de tout Guyancourt, voilà. Il y a un garçon, comme on dit, bon, sur tout rapport, hein, c'est un type DESS, il est d'origine algérienne, avec un faciès algérien, qui s'est fait tabasser en traversant un parc à Guyancourt il y a 3 ans. En tant que musulman, on lui demande est-ce que vous êtes musulman ou est-ce que tu es musulman, il dit oui, et crac, par deux jeunes blancs qui s'identifient comme nazis, dont le premier un casier judiciaire déjà lourd, il a déjà été condamné à 2 ans et demi avec sursis dans une affaire, etc., pour avoir battu avec une barre de fer un professeur au lycée d'Autogéré dans le contexte d'une agression politique, etc. Et le procureur requis, 18 mois, dont seulement 6 mois ferme. Je vous assure que ça avait été l'inverse, c'était le blanc qui avait été abattu par le type de faciès arabe, ça aurait été, surtout avec ce casier-là, ça aurait été beaucoup plus dur. Donc, la première chose, ça m'a intéressé que vous avez dit que les peines étaient plus sévères pour les indigènes que pour les métropolitains, pour les colons. Mais on a la même situation maintenant, mais qui n'est pas explicite. C'est-à-dire les peines sont toujours plus sévères pour les indigènes de la République, comme on dit, mais beaucoup moins sévères pour les blancs qui allaient à ça. Je pourrais enchaîner, hein, j'avais une autre affaire où il y avait comme partie civile un garçon d'origine algérienne qui était, encore une fois, qui a travaillé à SNCF, etc. Il était mis en cause par deux blancs, journalistes, qui étaient sous comme des Polonais, comme on dit, et qui l'avaient attaqué pour rien. Ouais, okay, moi, okay. Et qui, effectivement, le juge a pris l'affaire comme si l'autre était... Mais pour cette question de discrimination indirecte, je reviens dessus, c'est très important, parce qu'effectivement, le droit européen, et théoriquement le droit français maintenant, reconnaît ce qui est des mesures qui semblent être neutres, ne le sont pas, parce qu'ils tapent de manière beaucoup plus importante sur certains groupes. Et quand on voit l'affaire récente, par exemple, d'Enervoilet, accompagnant d'autres enfants à l'école, etc. Il n'y a aucune prise en compte par les tribunaux français du fait qu'une, une mesure de droit, hein, une loi, un règlement, qui semble être neutre, qui est, on dit en anglais, facially neutral, c'est-à-dire il a une apparence neutre, en fait, tape beaucoup plus sur un groupe ethnique qu'un autre, malgré le fait que ce principe est inscrit dans le droit européen, comme dans le droit américain depuis 40 ans. Bon, on va laisser répondre, et ensuite on va reprendre une autre question. Excusez-moi, peut-être un peu. Si, à l'avenir, bon, on a vu les mains qui sont levées, si possible, il y aura des questions. On laisse répondre. Comme vous voulez, je ne sais pas quelle est la règle, s'il y en a une, si on l'invente. Si, on prend une série, après on prend une série. Alors, sur le... Ce que j'ai retenu de votre première intervention et de la première question, donc, sur les rapports entre des institutions qui sont à l'évidence des institutions mises en place par l'État, mais qui en même temps sont des institutions, et je crois que c'est très important de le rappeler, qui sont évidemment des institutions, disons, étatiques, parce qu'elles ont été mises en place par l'État, elles sont financées par lui, mais en même temps, tout en étant des institutions étatiques, qui ne sont pas pensées comme, pour le dire en ces termes, le bras armé de l'État. Je veux dire par là que, relativement à l'INET, je crois que c'est très important de comprendre que ce qui fonde la scientificité des discours tenus par ceux qui sont à l'INET à l'époque, c'est très précisément que, en tant que scientifiques, ils peuvent, en tant que scientifiques de l'INET, pardon, ils peuvent justement s'appuyer sur le fait que l'INED est une institution certes étatique, mais absolument indépendante du point de vue des recherches qu'elle conduit et des résultats qu'elle produit de l'État. Et au-delà de l'État, évidemment, indépendante du personnel politique qui, à un moment donné, incarne cet État et est appelé à le représenter. Je dis ça parce que, évidemment, c'est l'indépendance par rapport à des considérations immédiatement politiques, et immédiatement historiques, qui, évidemment, me semble être une des conditions absolument essentielles de la scientificité. Réel ou supposé, peu m'importe, mais que c'est évidemment très important que ceux qui sont dans ce type d'institution ne se pensent pas et ne sont pas pensés justement comme c'est ce qui ferait la différence entre l'INED et un think tank, par exemple, en termes institutionnels, qui serait immédiatement identifié comme étant un think tank fonctionnant pour telle organisation politique, tel gouvernement. Alors que, justement, l'INED, le CNRS, le Collège de France sont certes à chaque fois des institutions d'État, soutenues par l'État, financées par lui, mais dont il faut bien, pour fonder le caractère scientifique, établir l'absolue indépendance par rapport à des considérations immédiatement étatiques. Ce qui, évidemment, n'annule pas la préoccupation qui est la vôtre, c'est-à-dire de voir, mais je pense que c'est lié au premier point, c'est comment des discours scientifiques peuvent légitimer a priori et ou a posteriori, des discours politiques. Mais ils pourront le faire d'autant plus facilement, je veux dire, ils pourront être d'autant plus facilement éventuellement récupérés par des hommes ou des femmes politiques que, justement, ces discours n'apparaissent pas au départ comme immédiatement des discours politiques, mais comme justement comme des discours scientifiques. Et que leur passage d'un champ à l'autre, l'utilisation qui peut en être faite pour justifier des politiques publiques, et notamment des politiques publiques en matière d'immigration, ou justifier des réformes du droit des étrangers, le bénéfice en est d'autant plus grand que, justement, celui qui va proposer la réforme peut s'appuyer sur un discours qui, lui, apparaît et apparaît communément comme un discours de type scientifique. Ce qui permet, là où, enfin, je crois, enfin, il faut comprendre aussi comment, ce n'est pas simplement comment perdure un certain type de discours, mais comment perdurant, leur scientificité est une condition, et la scientificité de ces discours ou des textes est une condition nécessaire, pas forcément suffisante, mais au moins une condition nécessaire à leur circulation, non pas seulement dans le champ scientifique, mais dans le champ social, dans le champ politique et au sein de la collectivité. C'est évidemment aussi une condition nécessaire du passage de discours tenus dans un domaine scientifique particulier et de sa migration dans d'autres domaines de la science. Je pense à ça, alors notamment pour ce qui est des discours que j'ai cités, qui sont à l'origine des discours pensés comme scientifiques dans le domaine de la démographie, mais qui, évidemment, étant donné les sujets sur lesquels ils portent, vont pouvoir très rapidement être utilisés par des juristes positivistes, qui vont considérer qu'ils vont pouvoir asseoir scientifiquement le droit qu'ils estiment, le droit positif pour lequel ils militent ou le droit positif réellement existant, donc sur ce type de proposition. Là encore, et une fois, là aussi, et là encore, mon souci étant d'essayer de réfléchir, mais encore une fois, je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse à tout coup. Et d'abord, parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse à tout coup qui soit possible d'apporter, parce que je crois qu'il faut se livrer à chaque fois à une sorte d'histoire très précise des différentes sciences humaines pour voir, d'une part, quelles sont les ruptures qui, à un moment donné, font basculer ou sont constitutives ces ruptures de l'avènement d'un nouveau régime de scientificité, donc de vérité, et en sachant que ces ruptures, elles ne sont pas synchrones à toutes les sciences, qu'il y a des décalages qu'il faudrait pouvoir étudier et comprendre. Et donc, bon, ça, c'est la première interrogation. La seconde, c'est effectivement comment un discours de type scientifique est susceptible de devenir, de sortir du champ immédiat qui est le sien ou au sein duquel il a été élaboré pour devenir un discours qui va fonder donc des politiques publiques. Ah oui, sur ce que vous avez dit, sur le comparativement aux États-Unis, oui, alors là, ma réponse va être un peu lapidaire parce que les éléments de comparaison me manquent et ils me manquent du côté des États-Unis, mais j'entends parfaitement ce que vous voulez dire sur le fait que sans doute explique, enfin, certainement d'ailleurs, pour comprendre effectivement, et ça c'est un élément externe, enfin à la fois externe et interne bien sûr, la façon et les raisons pour lesquelles ce type de discours peut perdurer, c'est effectivement le retard très important en France. Enfin, soit le retard, soit l'inexistence pour des raisons diverses pour ce qui est de la période après 1945. J'aurais tendance à considérer le retard aujourd'hui pour d'autres domaines. Le retard, effectivement, des discours critiques radicaux, encore qu'ils existent après 1945, ils existent, ils sont tenus, on pourrait multiplier les textes. Je pense évidemment au texte d'Aimé Césaire qui doit être de 50, le discours sur le colonialisme, 56. Les différents textes de Frantz Fanon, et le problème n'est pas tant de constater leur existence ou leur inexistence, c'est là encore une fois, un texte peut fort bien exister, mais avoir au moment où il est publié un impact quasi nul, ou sinon quasi nul, ou en tout cas n'avoir un impact que dans un tout petit groupe et d'intellectuels et éventuellement de militants. Je veux dire, le retour aujourd'hui à Frantz Fanon, ou le retour à un certain nombre de textes d'Aimé Césaire auxquels on accorde une très grande importance à juste titre, le problème n'est pas là, mais ne pas oublier que éventuellement au moment où ces textes ont été écrits, ils ont pu avoir un impact dans des tout petits cercles, mais ne pas avoir d'incidence ni scientifique ni politique massive. Et l'autre élément, alors là, qui est un élément sur lequel je maîtrise un tout petit peu mieux encore que c'est... Bon, bref, je n'en dirai pas plus, ça pourrait être mal interprété, mais peu importe. C'est, et évidemment, là, en France, un retard abyssal qui doit se mesurer, ça doit être en 20-25 ans à peu près, relativement aux études post-coloniales, comparativement à la Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis... oui, aux États-Unis, bien sûr, et éventuellement à l'Inde. Je veux dire, il y a dans quasiment toutes les universités américaines, il y a des départements relatifs aux études post-coloniales. Je serais bien en peine d'en citer dans les universités françaises. Ouais, voilà. Ça confirme. Là, évidemment, ça, c'est un élément absolument essentiel qui permet de comprendre pourquoi, là aussi, là encore, en dehors du champ académique, pourquoi ce type de discours peut continuer à prospérer, d'autant plus que, justement, les études académiques sur ce terrain sont institutionnellement très marginales lorsqu'elles existent, Et lorsqu'elles existent, parce qu'elles sont marginales institutionnellement, cette marginalité, très grande marginalité institutionnelle permet de comprendre le très faible, en partie le très faible écho qu'elles reçoivent. Les deux contribuant à la mise en place d'une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire où plus une discipline est marginalisée sur ce champ, dans le champ académique, moins elle a d'écho, plus c'est moindre écho. Alors après, il peut y avoir des phénomènes de rupture, évidemment, mais moins elle est supposée avoir d'écho, ou moins elle a d'écho, plus elle contribue, ou plus c'est un argument pour la maintenir dans les marges de l'académie. Bref. Simplement, précisons une chose que je voulais dire et que j'ai oublié de dire dans le cadre de mon discours, c'est que effectivement, quand on compare la mobilisation du concept, du pseudo-concept de race, et la mobilisation de la variable religieuse, l'islam, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a affaire presque à une substitution quasi terme à terme, mais dont les effets sont quasi identiques. C'est-à-dire que on passe d'un discours de type raciste où la cause de la détermination et des déterminismes, plus exactement, c'est la race, en tant qu'elle permet d'expliquer la permanence de traits à la fois physiques, mais aussi relevant de la psychologie, et donc l'éternisation consécutive à cela d'un certain nombre de caractéristiques, et la conséquence est évidemment que si elles sont naturalisées, ces caractéristiques, par définition, elles ne peuvent jamais ou très marginalement disparaître, ce qui fonde évidemment la thèse de l'inassimilabilité sur des fondements raciaux, mais qu'au fond, quand on reprend le texte ou les textes que j'ai cités, je pourrais en prendre d'autres, Chevalier, Sauvy et Debré, on s'aperçoit que la variable religieuse produit exactement les mêmes effets. Je veux dire par là qu'elle est à l'origine de déterminismes qui sont aussi puissants que, puisque c'est cette variable religieuse qui permet de rendre compte de la permanence des traits de caractère. Sauf qu'on a modifié. C'est le signe qui change. On a modifié la base du déterminisme, on a modifié la nature du déterminisme, et le déterminisme demeure absolument. Et ce qui permet d'arriver au fond à des conclusions identiques, quand bien même les ressorts argumentatifs pour arriver à cette conclusion ont été complètement modifiés, qui permet au fond d'arriver à une conclusion qui est identique à celle tenue auparavant dans le cadre d'un discours raciste, c'est que l'arabe, le nord-africain, est bien inassimilable, non plus pour des causes raciales, mais pour des causes culturelles et culturelles, qui fonctionne comme un déterminisme quasi absolu. La preuve, il a beau parler français, il a beau porter une cravate et un complet veston, fréquenter nos banlieues, et quelle que soit la durée de son séjour en France, il reste un nord-africain musulman. D'ailleurs, je rappelle que dans le vocabulaire à la fois politique, juridique, institutionnel, officiel de la très laïque 4e et 5e République, on ne parlait plus des indigènes, mais des Français musulmans d'Algérie. C'est intéressant. Il y a aussi, rentre évidemment dans le même jeu, si je puis dire, mais qui est là un jeu politico-rhétorique. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de parler de l'indigène parce que l'indigène emporte une connotation éminemment péjorative, parce que le terme est, lui, assis, si je puis dire, ou repose sur une conception hiérarchisée du genre humain, et donc l'arabe inférieur. Après 1945, c'est difficile de parler comme ça, et donc on va parler du français musulman d'Algérie. Mais c'est au fond le pendant, si je puis dire, au niveau langagier, mais de la langue officielle de la 4e et de la 5e République, des phénomènes que j'essaie de saisir au plan académique. Alors, sur ce que vous avez dit, juste une chose, enfin plusieurs, peu importe. Ou en tout cas pour la situation contemporaine, ce qui me paraît là très spectaculaire et qui renvoie là-dedans dans le champ politique, ce qui me paraît très nouveau et relativement spectaculaire, c'est évidemment une des conséquences du 11 septembre. De ce point de vue-là, Ben Laden a été aussi catastrophique. C'est là, au niveau donc, non pas académique, mais du champ politique, la disparition la marginalisation très importante de discours de type raciste au profit désormais de discours de type islamophobe. Alors, je crois que la mutation n'est pas secondaire, et les effets de cette mutation sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons évidemment politiques, le discours de type raciste ne pouvait être qu'un discours de type euphémisé. C'est vrai également pour les discours de type antisémite. Ça ne peut être, au regard des conditions politiques qui sont les nôtres, aujourd'hui, ça pourrait éventuellement changer, mais au regard des conditions politiques qui sont aujourd'hui les nôtres, ça ne pouvait être que des discours antisémites et racistes de type euphémisé. Le Pen jouant en permanence de cela, lui et quelques autres. Ce qui me paraît là nouveau, c'est que ces discours sont en partie abandonnés, en tout cas marginalisés par rapport à ce qui pouvait être tenu avant, au profit d'un discours donc islamophobe tenu par les élites politiques et qui précisément, parce que c'est un discours qui stigmatise non pas la race ou certaines races ou des races, mais l'islam, est un discours qui est susceptible, et d'ailleurs les effets sont là patents, toucher beaucoup plus largement et bien au-delà du cercle traditionnel de l'extrême droite et d'être repris par des hommes politiques de droite, voire de gauche, donc d'avoir une sorte d'universalisation, ou en tout cas d'expansion horizontale, en cassant un certain nombre de clivages politiques infiniment plus grands, ce discours islamophobe, que les discours racistes antérieurs. Ce qui, de ce point de vue-là, je crois, fonde la dangerosité plus importante de ce type de discours. D'autant plus que, évidemment, dans le contexte actuel, c'est un discours qui, à la différence du discours de type raciste, qui est très difficilement compatible, aujourd'hui, il ne l'était pas antérieurement, mais aujourd'hui, qui est très difficilement compatible avec les principes de la République, là où le discours islamophobe est au contraire, ou peut-être au contraire, parfaitement compatible, et avec les principes de la République, et avec la défense de la laïcité. Et c'est évidemment la conjonction de tout ça qui fait que il peut complètement sortir du champ ou du domaine de la partie politique, sans faire de jeu mauvais jeu de mots, involontaire en l'occurrence, au sein duquel ce type de discours peut être à l'origine élaboré. Et de ce point de vue-là, le parcours politique de cette association riposte laïque est de ce point de vue-là absolument exemplaire. C'est-à-dire que c'est pour moi en soi mais c'est un symptôme extrêmement important et extrêmement grave justement de cela. C'est-à-dire que comment un discours de type islamophobe se nie comme discours islamophobe, évidemment, au nom de la défense de la République et de la laïcité, et précisément parce qu'il se nie comme discours islamophobe au nom de la défense de la laïcité et de la République, comment ce discours peut évidemment être pris par des hommes et des femmes qui se situent éventuellement à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche. Et donc un discours qui, de ce point de vue-là, est, du point de vue de ses effets politiques, infiniment plus dangereux, à mon avis, que les discours de type raciste antérieur. On va prendre une série de questions. Il y avait Bouddha et puis Madame. Je m'abandonne mon tour. Alors, moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous sembler parti pris, mais bon, peut-être que c'est de la provocation, mais je vous dis tel que je l'ai aussi rédigé pour ne pas que ce soit clair. Et est-ce que j'ai... Voilà, je vous dis tel que je le dis. Donc, vous avez tout à l'heure posé la question de pourquoi cette perpétuation de l'image dévalorisante du musulman, de l'arabe, etc. Moi, je ne propose rien, je pense que je ne suis pas la seule aussi à pouvoir penser comme ça, mais une réponse, je voudrais savoir ce qui manque dans cette proposition que je fais, enfin, mais qui est étayé bien. Ah, faites là et puis. Alors, moi je pense que la perpétuation, elle serait due à cela. L'appareil d'État, soi-disant républicain, au service d'une classe dominante, entrepreneuriale, et fondée sur l'exploitation, a besoin pour se légitimer et se donner plus tard les moyens de réprimer au cas où il y aurait. Bien sûr, des révoltes sociales. Elle a donc besoin de perpétuer l'existence par des représentations, bien sûr, vous pouvez erroner, mythifier, par des représentations d'une classe dangereuse, d'autant plus que cette classe est économiquement défavorisée, tenue en marge comme classe exploitée. Donc ce serait une raison nécessaire et suffisante pour perpétuer cette image à chaque fois d'une classe dangereuse qui risquerait de mettre en péril l'État bourgeois pseudo-républicain, puisque bon, on sait bien que dans les banlieues, les jeunes savent que des soi-disant préceptes, des valeurs républicaines, eh bien, ne sont pas toujours respectées. Voilà, aussi bien dans une sphère de la République. Et alors, quant aux institutions indépendantes, alors, c'est vrai qu'elles ont peut-être été à une certaine époque des institutions scientifiques indépendantes. Seulement maintenant, on a quand même beaucoup d'exemples d'institutions. On a vu ça avec l'ARS, avec l'autorité des médicaments, etc. Alors ça, on voit des institutions qui sont inféodées, en fait, à l'État qui est au service du grand capital, de l'agroalimentaire, le complexe militaro-industriel. Je sais bien que c'est un discours qui paraît très partisan, mais je voudrais quand même que, au-delà de mots que je sais peut-être un peu stéréotypés, vous me répondiez pour me dire si vraiment je suis dans un discours qui est faux. Voilà, je suis prête à l'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. C'était par rapport justement à la perpétuation, par le changement d'argument, c'est où est-ce que vous situez l'ethno-différentialisme qui a été, si ce n'est forgé, en tout cas popularisé, porté par la nouvelle droite et qui, à l'heure actuelle, est porté par beaucoup plus large que la nouvelle droite. Et justement, en passant d'une disqualification du racisme biologique, disant que voilà, les éléments d'extrême-droite se revendiquent même anti-racistes, anti-coloniaux, mais promouvant justement le distinguo des cultures et le rejet de du mélange et tout. Voilà, l'ethnodiversité qui a un nouvel argument, plutôt porteur à l'heure actuelle, sur ça. C'est deux. Oui. Oui, simplement, je voudrais me poser sur le point de vue sémantique, c'est-à-dire par rapport au terme musulman. Alors, c'est très intéressant par rapport à la thèse sur la. Après 45, je suis tout à fait d'accord. Simplement, je voudrais mentionner, il me semble, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les médias, le terme à partir de la coupure très importante, c'est 1962, après l'indépendance en Algérie, donc de l'indépendance de l'Algérie, le terme musulman était réservé aux Français musulmans rapatriés. Donc il y a eu une vision de l'administration, par exemple, dans le traitement des populations. Il y avait d'un côté les immigrés et de l'autre les musulmans rapatriés. Ça, c'est très important parce que la donne musulmane pour les non-rapatriés n'était pas prise en compte. Je prends un seul exemple, au moment où il s'est agi, par exemple, de sortir une circulaire l'inhumation des populations musulmanes en 1975, ça a été les musulmans français, donc sous-entendu les musulmans rapatriés. À l'époque, il n'était pas question de reconnaître un droit aux musulmans étrangers. Et ça joue un rôle important. Ensuite, dans les années 80, par rapport toujours d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire que c'est le terme immigré qui continue, et puis il y a le SOS racisme, alors on a les beurs qui deviennent les rebeux par inversion du stigmate, mais effectivement on saute le mot arabe. Le mot arabe n'existe pas, il n'est jamais présent, et le terme musulman qui comprend en ce moment l'ensemble beaucoup plus grand de ceux qui sont d'origine immigrée, on peut dire qu'il s'installe à partir des années 90, je ne veux pas dater exactement. Donc vous voyez, d'un point de vue purement sémantique, comment le mot voulait s'installer pour différentes périodes historiques, c'est intéressant parce que dans les médias et dans l'administration, justement, je précise, et j'ai l'impression qu'il y a une rupture, effectivement, avec le point de vue scientifique ou élitaire, voilà, il y a un petit différentiel, c'est mon impression. Oui. Je complète juste avec une question. Est-ce que justement l'émergence du mot islamophobie n'est pas à mettre en lien avec ces termes musulmans des années 90 tels que mon voisin d'à côté l'a proposé ? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire, la question c'est dans la présentation, vous faites une différence entre l'islamophobie et le racisme par rapport la période coloniale. Oui. Cette différence, il me semble que du temps colonial, elle n'existait pas forcément et que c'est aussi pas d'anachronisme, une projection qu'on peut faire aujourd'hui, puisqu'on a différencié ces deux termes. L'émergence du mot islamophobe, je ne sais pas exactement les années où ça a commencé à vraiment émerger dans le discours. Justement, est-ce que cette idée d'islamophobie, elle n'est pas aussi liée à cette émergence, mon voisin, du mot musulman par rapport au mot immigré ou à la période coloniale, et elle n'est pas aussi le symptôme d'une ethnicisation du musulman. Lorsque vous parlez par exemple du passage de la racialisation à le culturel et le cultuel. Donc justement, c'est pas anodin qu'on utilise islamophobie et non plus racisme. Oui. Non. Absolument. D'accord. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions et ça fait beaucoup. J'ai en partie la réponse, que vous avez en partie répondu. Alors, sur la première intervention, j'ai bien aimé la chute. Je suis prête à entendre. Non, parce que souvent, ce genre de discours, en général, le locuteur qui tient ce genre de propos n'est pas prêt à entendre autre chose que le propos qui vient d'être tenu. Enfin bon, donc vous faites exception. Et vous faites exception à la chose, ce qui est fort bien. Alors, sauf à conclure, pour reprendre les thèses d'Althusser dans un article célèbre de la pensée, que l'institution universitaire, le CNRS, le Collège de France... bon. Je n'ai pas cité justement... Mais à un moment donné, il faut bien les citer. Oui, mais alors ça, c'est très particulier. Mais bref, donc sauf à considérer que tout cela relève de ce que Althusser appelait les appareils idéologiques d'État... c'est-à-dire dans une vision qui est quand même passablement mécaniste et qui conçoit au fond pour tirer et tordre un peu Althusser et durcir un peu plus son propos et à considérer qu'au fond toutes ces institutions ne sont que les bras armés idéologiques de l'État, il me paraît difficile de soutenir que le CNRS, l'université, comme institution et ceux qui vivent dans ces institutions sont les intellectuels organiques, pour les dire en ces termes, les idéologues organiques de l'État bourgeois dont la fonction serait de perpétuer le grand capital. Justement parce que, enfin, alors pour toute une série de raisons qui sont à la fois historiques, sociologiques, je ne crois pas à cela. Ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas inattentif à un certain nombre de uns, mais bon. Parce que conclure à cela pose après toute une série de problèmes historiques, académiques, scientifiques, qui rendent incompréhensible le rapport très particulier que l'État peut entretenir justement avec ces mêmes institutions. Parce que si ces institutions n'étaient que son bras armé, il n'aurait pas de problème avec l'institution, avec les étudiants et les enseignants qui y enseignent. Or, visiblement, il a des problèmes. Visiblement, il veut s'en prendre à un certain nombre de disciplines. Et donc, si ces disciplines professées au sein de ces institutions lui posent problème, c'est précisément que ces disciplines ne sont pas adéquates aux objectifs qu'il poursuit. Bon, donc, les choses ne sont pas aussi étroitement articulées que Althusser et quelques autres pouvaient le penser dans... Bref. Juste une remarque sur État républicain. J'entends ce que vous dites. En ce qui me concerne... Et j'entends d'autant plus ce que vous dites relativement aux banlieues, d'ailleurs. Mais plus généralement, je l'entends dans tous les sens du terme. Mais j'en tirerai une conclusion autre, qui, à mon avis, est... Enfin, autre, point. Mais que je crois historiquement plus fondée et peut-être plus troublante. Qui est qu'au fond... vous avez raison d'employer le terme de classe pauvre et dangereuse. Quand on scrute l'histoire de la République pour s'en tenir à elle... C'est vrai pour la seconde, c'est vrai pour la troisième, c'est vrai pour la quatrième et c'est vrai pour la cinquième. Ces républiques ont toujours fonctionné sur la base de deux régimes. Un régime républicain, assurément, pour ses citoyens mâles dans un premier temps, blancs, et un état d'exception qui est en général un état d'exception qui ne s'affirme pas comme état d'exception mais qui fonctionne comme état d'exception, qui est un état d'exception qui peut d'autant plus perdurer et être permanent que justement il n'est pas officiellement déclaré comme état d'exception. Et on peut prendre toute une série de dispositions juridiques concernant les classes pauvres et dangereuses au XIXe siècle, prolétariat, les mendiants et les vagabonds sous la Troisième République. Je pense en particulier à cette loi inouïe de 1885 sur la mendicité, qui est une des lois les plus répressives jamais votées sous la Troisième République. Et on pourrait montrer assez facilement comment le régime politico-juridique imposé aux indigènes présents en métropole est effectivement un régime politico-juridique d'exception. Et comment ce régime politico-juridique d'exception imposé aux indigènes présents en métropole a perduré par la suite sous des formes diverses. Il ne s'agit pas de dire c'est la perpétuation de, mais a été amené à évoluer, à se transformer. Mais comment, au fond, après tout, les étrangers aujourd'hui, mal nommés clandestins, donc étrangers en situation irrégulière, sont effectivement soumis à des dispositions d'exception constitutives d'un état d'exception qui leur est imposé, mais qui n'affecte absolument pas le reste de la population si elle est blanche et étrangère en situation régulière. Donc en ce qui me concerne... Non, non, non, vous avez... non, mais... Non, non, mais vous avez raison. Non, mais je dis affecte absolument pas. Pas tout à fait, parce qu'évidemment, il faut nuancer immédiatement dans la mesure où ces dispositifs politico-juridiques qui affectent d'abord et avant tout les étrangers en situation irrégulière finissent par affecter et les étrangers en situation régulière et les Français, etc., y compris, je vais rectifier tout de suite, du point de vue d'un certain nombre de droits et libertés démocratiques fondamentaux, le délit dit de solidarité, qui est... et un droit beaucoup plus fondamental qui est la possibilité de se marier avec un conjoint étranger et où là les dispositifs juridiques n'ont cessé d'être aggravés avec alors là il y a toute une série de témoignages des choses qui sont inouïes du point de vue de l'intrusion de l'État et des forces de police dans le domaine de la sphère de l'intimité pour s'assurer que le mariage contracté entre un citoyen ou une citoyenne française et un étranger n'est pas un mariage ni blanc ni gris. Et de ce point de vue-là, il y a des témoignages qui sont hallucinants sur les questions posées par des policiers français à ce type de conjoint, sur la fréquence des rapports sexuels, le type de préservatif utilisé, enfin des choses qui relèvent là d'une intrusion très très spectaculaire, mais non pas dans le domaine de la sphère privée, mais donc dans la sphère de l'intimité. Et donc je crois que ce qu'il faut chercher à mieux penser, ce n'est pas soit un État républicain, soit la dictature. Éventuellement la dictature de la bourgeoisie pour utiliser les termes et des catégories employées antérieurement, d'arriver à penser les deux, là encore. Et comment, effectivement, un État républicain, et ça vaut exactement pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, notamment après le 11 septembre, comment des États démocratiques peuvent parfaitement voir prospérer en leur sein toute une série de dispositifs d'exception portant atteinte à des libertés fondamentales absolument essentielles. Et après le 11 septembre, les conséquences aux États-Unis ont été massives. Pareillement en Grande-Bretagne, avec des atteintes significatives à des traditions juridiques de l'habeas corpus absolument étonnantes. Et comment cela ne remet pas fondamentalement en cause le fonctionnement de l'État, mais comment cela affecte une partie de la population qui se trouve, pour des raisons qui peuvent être culturelles, politiques, la conjugaison des deux, classe pauvre, classe dangereuse, se trouve effectivement soumise, ces populations, qu'elles soient françaises ou étrangères, à des dispositifs d'exception qui ne disent pas leur nom, mais qui fonctionnent effectivement comme tels, et dont on peut, relativement aux étrangers en situation régulière en France d'ailleurs, constater les effets empiriques. Parce que les étrangers en situation régulière en France se comportent souvent comme s'ils étaient effectivement soumis à une situation d'exception et plus exactement à un couvre-feu qui ne dit pas son nom, qui n'est pas déclaré, mais qui fonctionne comme tel. C'est-à-dire conduite d'évitement de la fréquentation d'un certain nombre de stations de métro, de RER et de gare à certaines heures, absence de fréquentation d'un certain nombre de lieux, les halles par exemple, ou des lieux connus pour être des endroits où peuvent intervenir des opérations policières. Donc il n'y a pas d'État, il n'y a pas de couvre-feu officiellement et légalement déclaré, il n'y a pas d'État d'exception officiellement déclaré, mais celles et ceux qui sont effectivement visés par les politiques d'immigration se comportent effectivement comme s'ils étaient soumis dès y aurait à un état d'exception et un couvre-feu, mais qui existe de facto, mais qui n'est pas à proprement parler déclaré sur le plan du droit, parce qu'évidemment c'est inassumable politiquement et juridiquement. Alors, sur la question, la question que vous avez posée, cette opération, en fait, est une opération très lointaine, c'est-à-dire qui a été menée de longue date et dont, je pense, Marine Le Pen est en train de tirer les conséquences et de tirer les dividendes politiques. C'est-à-dire l'opération politico-intellectuelle, parfois soutenue philosophiquement par des revues assez prestigieuses, c'est-à-dire cette opération conduite par des militants, mais aussi des intellectuels membres du GRES, c'est-à-dire ce think tank qui aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il existe encore en tant que tel, mais qui a joué un rôle très important à la fin des années 60, début des années 80 ou milieu des années 80, un think tank dont l'objectif était justement, au fond, de déraciser la pensée politique, ou une certaine pensée politique, au motif que, et cela avait bien compris cela, la revue Crisis ou Élément, avait bien compris cela, que le discours tenu sur les émigrés, les musulmans, etc., ne pouvait plus Et si ceux-là tiennent ce discours, et en général ce sont plutôt des intellectuels et parfois des universitaires, c'est qu'ils avaient bien compris cela, que le discours de stigmatisation des étrangers, des musulmans, tant qu'il reposerait sur des considérations raciales, serait un discours qui serait quasiment inaudible, quasiment inaudible dans l'académie et peu audible dans le champ politique. Qu'une façon de surmonter la difficulté, c'était évidemment, pour le dire en ces termes, de déraciser ce type de discours au profit de considérations de type, alors éventuellement ethnique, là en mobilisant Lévi-Strauss et en disant « mais excusez-moi, mais moi je ne parle pas du tout de race, je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que les races n'existent pas, par contre il existe des ethnies ». Et donc de réaliser cette opération, c'est-à-dire de conjoindre ce type de discours aux exigences académiques de saison et au régime de vérité présent, et donc effectivement d'abandonner toute référence à la race au profit d'une référence à l'ethnie et au profit de la mobilisation, donc éventuellement de critères culturels et culturels. Et donc je pense que sur le plan politique, cette opération-là, qui a été une opération lente, mais est en train de produire tous ses effets. Alors, sur le FMA, oui, j'entends bien ce que vous dites. Moi, simplement, c'était parce que je m'arrêtais, bien sûr. Après, il faudrait poursuivre l'analyse, mais je m'arrêtais à 1962. C'était simplement pour souligner comment on a affaire effectivement à des mutations, discursives dans le plan académique, sur le plan académique, et on a aussi affaire à des mutations discursives dans le champ politique. Et donc, FMA étant le signe de cela. Il faudrait d'ailleurs préciser. Sur racisme et islamophobie, vous avez raison. Effectivement, disons, jusqu'en 1945, racisme et islamophobie fonctionnent ensemble. C'est un couple quasiment indissociable. Je veux dire par là que si on reprend effectivement tous les textes produits dans l'académie, en histoire, en géographie, en psychologie des peuples, en ethnographie, etc., etc., en droit, en sciences politiques, jusqu'en 1945, racisme et islamophobie fonctionnent de façon. Non, mais évidemment. Non, mais c'est nous qui. Oui, mais alors ça, je peux répondre assez. Il existait même avant. Dans les années 20, on utilise le terme islamophobie. Vous avez arrêté la première série. Ah, ça, je l'ignorais. Donc, non, mais c'est très important parce qu'évidemment, ça permet de répondre bêtement. Enfin, ça permet de répondre pas bêtement, ça permet de répondre sérieusement à ceux qui, comme Pascal Bruckner, de façon très polémique, disent le terme islamophobie a été forgé par le président Ahmadinejad, donc le terme est immédiatement grévé en raison de son origine politique, et donc il est irrecevable, puisqu'il remplit non pas une fonction de connaissance, mais une fonction de stigmatisation. Et donc on retourne le stigmate contre celui qui est supposé l'avoir, en être à l'origine les porteurs. Et donc, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'après 1945, on assiste à une sorte d'arrachement complet du discours islamophobe et désarticulation complète du discours islamophobe et du discours raciste. Sur l'argument qui consisterait à dire « oui, vous employez une terminologie qui emporte un jugement de valeur sur des discours tenus à une époque où le terme que vous employez n'existait pas », bon, je suis content d'apprendre que le terme existe depuis 1920. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on se priverait en sciences humaines de ce que font les scientifiques dans les sciences dures, et que, après tout, la découverte du cancer a permis de qualifier des maladies qui n'étaient pas identifiées comme cancer. Je me sens assez tranquille de ce point de vue-là. Mais quelle est alors ? Excusez-moi, mais il faut qu'on laisse la salle. On pourrait prolonger. Juste après. Donc je remercie. Merci beaucoup. Donc la prochaine séance aura lieu le 15 février. On va accueillir Julien Bauger, qui va faire une intervention sur la science du voile, un discours scientifique sur la signification du poids du filial. Merci. Une chose sur la question du comment je demande, ce qui est intéressant, c'est l'usage systématique de textes apparemment neutres. Par exemple, vous avez parlé de la question des impropres en vie privée, mais avec des contrôles d'identité, par exemple, les textes de contrôle d'identité. Est-ce que vous ne m'envoyez pas